C'était la deuxième soirée du tournoi Atome Pee-Wee dans le secteur de Dolbeau et de Mistassini. Pour en parler, on parle avec le président David Lamontagne. Salut David. Salut David. Beaucoup de matchs au programme hier. Est-ce que la population était au rendez-vous? Oui, la population était au rendez-vous. On avait les équipes locales, ça paraît. Ah, ouais, c'est ça. Locales. On avait trois matchs hier au secteur Mistassini. Qu'est-ce qu'il y aurait plus de. Est-ce qu'il va y avoir plus de matchs à Dolbeau ou à Mistassini ou bien c'est bien reparti? Il y a plus de matchs à Mistassini. Comme là, autrement dit, mercredi, jeudi, il n'y avait pas de match à Dolbeau. Okay. Mardi, des matchs à Dolbeau. Autrement dit, à Dolbeau, on a vendredi, samedi. Puis dimanche matin, on a des matchs jusqu'à environ midi. Okay. Mais c'est surtout à l'arena de Mistassini. Okay. Donc, s'il y a avec les résultats des matchs hier? OK. Hier, on avait trois matchs. Deux matchs dans le Pee-Wee B. Premier match, les Cerbères d'Allemagne ont gagné 5-1 contre les Éperviers de Normandie. Okay. Dans le deuxième match, Pee-Wee B, on a les Hurricanes de Massillon qui ont perdu 7-3 contre les Castors de Dolbeau-Mistassini. Ouais. Ensuite, le dernier match dans la Toma. Les Sables de Roberval ont gagné 4-1 contre l'extrême de Chicoutimi. OK, OK. Et là, il y a l'action ce soir également. Ça commence à quelle heure, hein? Ce soir, ça commence à 16h. Okay. Ça commence plus de bonne heure ce soir. Puis on a 4 matchs à Mistassini ce soir. Il y a 3 équipes locales qui jouent ce soir. Donc, encore une fois, pas mal de monde. On invite la population à venir les encourager. Effectivement, encore pas mal de monde au programme. Hey, David... on rappelle évidemment les adresses Internet, là, l'adresse du site Internet et également l'adresse Facebook pour que les gens voient en direct soit nos reportages ou encore les photos, les résultats. Et si vous avez acheté un billet moitié-moitié puis vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas eu le temps de rester jusqu'à la fin, vous voulez connaître le numéro gagnant, tout ça est là-dessus. Donc, si on y allait avec la page Facebook, donc qu'est-ce qu'on fait? Oui, la page Facebook, c'est Atome Pee-Wee 2015. Okay. Tournoi Atome Pee-Wee 2015. Puis pour le site Internet, comme j'ai dit hier, c'est plus facile d'y aller par le site du hockey mineur de Dolbeau. OK, OK. C'est atomepeewee.com. Et on remercie également les nombreux commanditaires, dont LD Auto, Genix Saint-Pierre, qui rend possible l'événement. David, on s'en reparle demain matin? Oui, pas de problème. Voilà, donc c'était le président du tournoi Atome Pee-Wee, Jannick.